Mon ami, louons ensemble. Disons que Dieu ne ment pas, qu'il est fidèle et qu'il tient ses promesses, n'est-ce pas? Ok. Okay.